Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Cinquième épisode. Ainsi que le lui a demandé Nessim, Justine s'est rapprochée de Darley pour tenter de savoir si Mélissa l'avait tenue au courant du complot copte. Darley s'est tout de suite laissé prendre à l'amitié que lui proposait le couple Rosnani, fasciné par leur extraordinaire aisance, leur excentricité, à mille lieues de la précarité de sa vie avec Mélissa et de l'amour ému qu'elle suscitait en lui. Mélissa me bouleversait. Elle n'avait percé mes fragiles défenses par aucune de ces qualités que l'on se plaît à énumérer quand on parle d'une maîtresse, charme, exceptionnelle beauté, intelligence, non. Elle en avait eu raison par cette vertu que l'on peut appeler la compassion. J'aimais la regarder passer, je m'en souviens, pâle, plutôt mince, vêtue d'un pauvre manteau en peau de phoque, tenant son petit chien en laisse, émouvante. Ses mains de phtisique marquées de veines bleues, ses sourcils peints dont la courbe trop accusée donnait à ses beaux yeux un air à la fois candide et effronté. Tandis que Darley aimait Mélissa avec tendresse et avec passion, le charme fatal de Justine faisait déjà son œuvre. Son mystère, sa personnalité imprévue et troublante, sa fragilité prenaient possession de l'Irlandais. La manipulation dont il allait désormais faire l'objet avait commencé. Un soir où il subissait, comme il aimait à le dire, le cafard de la ville, avec la prescience des événements qui allaient entraîner tout un monde à sa perte, Darley écoutait la belle voix rauque de Justine lui répondre. Nous sommes tous pris dans le champ d'attraction qu'Alexandrie dirige sur ceux qu'elle a élus pour être ses vivants symboles. Je pensais justement à ce qu'Alexandrie faisait de nous. C'est étrange, cette intimité psychique entre nous. Ou bien est-ce toi qui sais lire dans mes pensées? Peut-être. Viens t'allonger à côté de moi. Justine. Cette intimité ne doit pas aller plus loin. Si ça continue... Nous finirons par découvrir une amitié si profonde que nous deviendrons esclaves l'un de l'autre pour toujours. Ça ne peut mener à rien, une liaison entre un pauvre professeur et une femme de la haute société alexandrine. Ça finira par un scandale mondain qui nous laissera seuls, chacun de notre côté. Et tu seras obligé de te débarrasser de moi. Tu ne comprends pas que nous n'y pouvons rien? Nous ne sommes pas assez forts ou assez mauvais pour pouvoir choisir. Je sais à quel point tu aimes Nessim, que j'aime aussi profondément. Comment se fait-il que tu sois aussi proche de nous et que tu restes si loin en même temps? Tu es un réfugié mental, évidemment, puisque tu es irlandais. Mais il te manque encore de savoir partager notre angoisse et notre folie. Elle se leva d'un bond et se planta au milieu de la pièce tapissée de hauts miroirs. Regarde! 5 images différentes du même sujet. Si j'étais écrivain, c'est ainsi que j'essaierais de dépeindre un personnage, par une sorte de vision prismatique. Pourquoi les gens ne peuvent-ils voir qu'un profil à la fois? Elle bâilla et alluma une cigarette. Puis elle s'assit sur le canapé, entourant ses chevilles si fines, et se mit à réciter lentement, avec une moue délicieuse, les vers merveilleux du vieux Cavafy parlant d'un amour très ancien. En l'écoutant, je perçus tout à coup le pouvoir étrange et ambigu de la ville. Et je compris que Justine était une vraie fille d'Alexandrie. Ni grecque, ni syrienne, ni égyptienne, mais une hybride, une charnière du monde. Avec quelle intensité elle dit le passage où le vieillard jette l'ancienne lettre d'amour qu'il avait tant émue et s'écrie « Je viens tristement sur le balcon. » Que n'importe quoi vienne distraire le cours de ses pensées. N'importe quoi. Ne serait-ce que le spectacle des mouvements insignifiants de la ville que j'aime, de ses rues et de ses boutiques. Elle se leva ouvrit les persiennes et se pencha sur le balcon qui dominait une ville chamarrée de lumière, toute tendue sous la caresse du vent du soir venu des confins de l'Asie. Et pendant un instant, elle n'eut plus conscience de son corps. Au revoir, Darley. Laisse-moi maintenant. Je m'en allais. C'était une triste soirée d'hiver balayée par le vent et la pluie. Sur la corniche, pataugeant dans les flaques, sautant comiquement tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, il était là. Grand, mince, légèrement voûté, portant un chapeau noir à bord étroit. Balthazar. Nous nous connaissions déjà, mais seulement de vue. Et nous aurions peut-être échangé un simple salut s'il n'avait été troublé au point de m'arrêter et de me prendre le bras. Ah, bonsoir. Vous pouvez m'aider. Non, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai perdu la clé de ma montre. Si je ne trouve pas la clé, elle s'arrêtera. J'ai jusqu'à lundi soir et elle s'arrêtera. Vous pourrez certainement vous en faire une autre. Oui, oui, bien sûr. Mais vous ne comprenez pas, la clé appartenait à cette montre. Elle en faisait partie. Balthazar, médecin, juif, homosexuel. C'était un peu le Daimon, le médiateur entre les dieux et les hommes de la cité. En qualité de docteur, il passait le plus clair de ses journées à l'hôpital des maladies vénériennes. Il aimait dire d'un air de pince sans rire « Je suis au centre du corps de la ville, oui, son système génito-urinaire. Rien de tel pour vous dégriser. » Il était de ceux, très rares, qui se sont fait une philosophie et s'emploient à vivre en accord avec elle. Je pense que c'est cette synthèse profonde de sa vie et de sa pensée qui donnait à sa conversation un tel mordant. « Je suis juif. » Avec toute la curiosité sanguinaire et toutes les facultés de raciocination que cela comporte. Ce soir-là, nous entrâmes, je m'en souviens, dans une échoppe de la Corniche, et nous nous assîmes devant un café noir, tandis qu'il racontait de sa voix grave et profonde l'histoire de sa montre. C'est au cours de cette conversation qu'il me parla de Justine. Je crois que vous connaissez Justine. Nous formons une sorte de petite loge d'études de la Kabbale. Elle m'a dit que vous n'étiez pas tout à fait ignorant de ces questions et que cela vous intéressait. Vous êtes le bienvenu, enfin si vous le souhaitez. Oh, je viendrai volontiers. Nessim aussi fait partie de votre cercle? Bien sûr. Vous savez, en un sens, Nessim est le plus heureux de nous tous. Il n'a aucune idée préconçue de ce qu'il désire en retour de son amour pour Justine. Les enfants aiment de cette façon. Et avez-vous connu Arnotti, le premier mari de Justine? Il était écrivain, je crois. Oui, oui. Il a beaucoup écrit sur nous. Mais il n'a jamais su voir la ville spirituelle sous la ville temporelle. Il a rencontré Justine trop jeune pour ne pas se laisser blesser par elle. Et l'enfant enlevé? De qui était-elle? Je ne sais pas. Elle devait avoir 6 ans quand le rapt a eu lieu. Ces choses-là arrivent fréquemment en Égypte, comme vous le savez. Plus tard, Justine a appris qu'on l'aurait vue ou reconnue, et elle s'est mise à la chercher, avec frénésie, dans les bas-fonds et dans toutes les maisons malfamées. Qui a-t-elle aimé avant Arnotti? Oh, ça, je ne sais plus. Vous savez, les amants de Justine sont souvent restés ses amis. On pourrait dire aussi que ses meilleurs amis n'ont jamais été ses amants. Ah, oui. Nous autres, Alexandrins, nous sommes hystériques et extrêmes. C'est pour cela que nous sommes les incomparables amants que vous savez. Vous n'aimez plus Mélissa? Je ne la connais pas, je l'ai seulement aperçue. Et... Non, mais pardonnez-moi, je vous ai blessé? Non. Non, pardon. C'est à cette époque que je commençais à me rendre compte combien Mélissa souffrait. Même si jamais un mot de reproche ne sortait de ses lèvres et si elle ne parlait jamais de Justine. Son teint était devenu terne, triste. Sa santé s'altérait. Paradoxalement, je sentais que je l'aimais plus profondément que jamais. J'étais en proie à une confusion et à un sentiment de frustration que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Parfois, sa présence seule m'irritait et je la querellais sans raison. Justine, qui était en proie à la même confusion que moi, réagissait d'une façon très différente. Je l'entends encore. Je me demande qui a inventé le cœur humain. Dis-le-moi et montre-moi l'endroit où on l'a pendu. C'était la fête de Sitna Mariam, qui célébrait une sainte chrétienne du calendrier copte. Toute la ville y prenait part et tous s'amusaient, les musulmans aussi bien que les autres. Car après tout, Alexandrie est encore en Égypte, les couleurs se mêlent et se fondent. Narouz, avec ses vêtements de travail maculés et son tarbouche rouge, s'enfonça dans les ruelles autour de la gare centrale d'Alexandrie, de cette démarche dansante qui lui était familière, gauche et nonchalante à la fois. Il avait laissé son cheval dans la cour d'un charpentier de ses amis. C'était par une chaude et torride nuit de fin d'été. Un campement de tentes, de théâtres, de bordels et de baraques surgit de l'obscurité aux lueurs intermittentes des lampes à huile et des guirlandes d'ampoules électriques colorées. Narouz se laissa porter par le flot de cette houle humaine, humant à longs traits les odeurs de nourriture et de sucreries aromatiques, de jasmin rance et de sueur, se grisant du bourdonnement des grandes processions qui traversaient la ville, s'attardant dans chaque église pour une récitation de textes sacrés. Il entra dans un café et appela Nessim. Nessim ? Oui, Narouz. Je suis Alexandrie. Je vais trouver le Makhzoub et j'essaierai de le faire parler. Allô ? Allô ? Oui, oui, je suis là. Je réfléchissais. Tu seras prudent au moins. J'étais le promets. Narouz était toujours très ému quand il avait la possibilité de rendre service à son frère. Étrangement, il ne pensait pas du tout à Justine dont il avait promis de retrouver l'enfant. Elle n'était à ses yeux qu'une acquisition de Nessim, et comme telle, il l'admirait, il l'aimait. Il était de son devoir de faire ce qui était nécessaire pour aider Nessim et lui venir en aide, ni plus ni moins. Venez vous faire purifier. Approchez, fidèle. Approchez. C'est gratuit. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Est-ce que l'hypnotiseur est là ce soir? El Makhzoub, Aïwa, là-bas, près des tombes. Quelque part dans l'obscurité, un petit groupe de sanctuaires abandonnés se cachait sous des palmiers inclinés. Narouz aperçut la silhouette décharnée du célèbre fou mystique, lançant ses foudres d'éloquence à une foule terrifiée et fascinée. Démon impie ! Il était tard lorsque le Makhzoub termina sa séance, rendant sa liberté à la foule arrimée à ses pieds. Il frappa dans ses mains pour les disperser. Narouz le suivit jusqu'à une place déserte. Il avait un petit poignard dans son fourreau. Il défit la bride qui retenait la poignée. Oh, Makhzoub, Dieu soit loué. L'homme leva le bras en un geste d'incrédulité, de peur peut-être. Il s'appuya sur une poutre de bois pourri. De la main droite, Narouz planta le poignard dans le bois, clouant le bras du Makhzoub par l'étoffe grossière des longues manches de sa robe. De la main gauche, il saisit la barbe de l'homme comme on saisit un cobra au-dessus du capuchon pour l'empêcher de frapper. Oh, bien-aimé du prophète, sage et bien-aimé. Narouz lui caressa la tête et les oreilles comme si le Makhzoub s'était changé en un bon chien de chasse. Alors, l'hypnotiseur roula des yeux et son regard s'embua. Son corps s'affaissa et un unique sanglot du tréfond de son cœur vint mourir sur ses lèvres. Tu vas me dire ce que je veux savoir, n'est-ce pas ? Hein ? L'enfant, où est-elle ? la petite fille de Justine. Parle maintenant. Il ne me croit pas. Je l'ai vue de mes yeux. Elle est morte. Deux fois, je le leur ai dit. Je n'ai pas touché à l'enfant. Tu veux la voir? Tu veux que je te la montre? Montre-moi. Regarde dans la terre. Regarde avec tes yeux. Dans le sein de la terre. Là. Je ne vois rien. Pense que tu peux voir dans la terre. Je perçois quelque chose. Oui. Je la vois. Regarde bien. Elle joue près du fleuve. Il n'y a personne près d'elle. Elle est seule. Elle est habillée en bleu. Elle porte une broche en forme de papillon. Oh. Tu as vu. Oh. Tu as vu à l'endroit même où cela s'est passé. Dieu est puissant. Et ma force est en lui. Narouz voulut annoncer tout de suite la nouvelle à son frère. À peine rentré à Carme, il l'appela. Allô ? Messieurs, c'est moi. Je viens de voir le Magzoub et je l'ai forcé à me dire la vérité. L'enfant est morte. Tu en es sûr, Narouz ? Il me l'a montré. Tu sais, comme il sait faire. J'ignorais toute la façon dont l'enfant était vêtu. Mais je vais te décrire ce que j'ai vu sur le sol. Elle portait une blouse bleue et une broche en forme de papillon. Mais oui, c'est parfaitement exact. C'est la description que Justine a faite au parquet. C'est tout à fait ça. Oh, mon Dieu, Narouz, mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait essayer de retrouver le corps. À part draguer le chenal, je ne vois pas. Le parquet s'en est déjà occupé. Ils l'ont fait au moins une dizaine de fois, sans résultat. Oh, je vois. Narouz, promets-moi une chose. Justine ne doit jamais apprendre la vérité par ta bouche. Promets-le-moi. Je te le promets. Je te demande la plus grande discrétion. Il ne faut pas qu'elle le sache. Je dois raccrocher. Merci, Narouz. Oui. Ne sache pas quoi? Qui est ce elle, Nessim? Justine était pâle et ses grands yeux cherchaient à surprendre le regard de Nessim avec appréhension et curiosité. Il se tourna vers elle et lui prit la main. En pensée, je les revois toujours ainsi, les yeux dans les yeux, tout près l'un de l'autre, et si loin. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Cinquième épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, Mohamed Rouabi, Narouz. Et les voix de Mostefa Stiti, Majid Bouali, Rachida Elgazali, Anna Jaja, Rabah Loussif, Mahmoud Saïd, Omar Yami, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.